derrière les vitrines, bien disposées, en lignes et en boucles. Admirez les émaux écamés en sardonyx, les agates, la cornaline, des robes ou des ridons délicieuses, les petites figurines de porcelaine peinte, les angelots mignards qui n'ont pas connu le ciel. Oh, les amours et les Vénus dans leurs médaillons, les pastels de Rosalba Carrière aux chaînes douces et parfumées, et ceux de Quentin Latour, entremetteurs et marmelages de cour. Là-bas, privés de carrosses et de fées, loin du bal, se morfond le parc pelé au souvenir de ses grands peupliers. Chapeaux à plumes et chevaliers, épigrammes et placets, où votre majesté aux pieds légers danse avec ses courtisans éternellement dans les miniatures de Greuze et dans les toiles de Boucher, les enfants de France batifoles, chamarrés comme des chambellans, leurs silhouettes sur fond de nuages scintillants où brûlent les orangers du couchant. Et s'annonce la fin des lumières. Un siècle si frivole, amoureux et charmant, achevé dans le sang et la colère. Et maintenant, Versailles est tout gris, depuis la cour pavée jusqu'aux ardoises. Les statues sous les bâches vertes en gros paquets balourds sont jetées près des charmilles. Or, les traîtres décors courent sous l'orage, les princesses de Sardonyx, Cornaline et Agathe, égarées dans l'intrigue, en proie aux dragons, enchanteurs vicieux, au pays des singes savants de porcelaine, échappés du cabinet des fées. Mais partent, divine pompadour, monte l'encens et ce parfum de sperme vers la voluptueuse et céleste favorite. Que savait-il? Peu de choses. Des viveurs d'argile, amateurs de parties fines, d'alcool et d'orgie, au moins le plaisir. Et tant de femmes ont envié les courtisanes que même Dieu n'ose plus les congédier hors de son ciel peuplé de chérubins charnus.